Les gens ils s'incrustent comme ça, normal, dans les morceaux. Allez ça, c'est pour tous les rastamates de merde qui se prennent trop au sérieux. Mais tu répètes tout le temps ce que plein de mots disent.